Alexandre Dumas, fils, 1824-1895. Il aura 87 ans. Le voici qui vient à vous avec son allure de mousquetaire, la taille toujours droite, l'œil plein de lumière, le pied cambré, la main tendue, très sensiblement le même que toujours. Il a toujours le mot rapide et amer. Il est toujours à la fois très sceptique et très bon. Il continue de bien aimer ce qu'il aime, et de bien détester ce qu'il n'aime pas. Considérant toujours le théâtre comme une tribune propre à développer ses idées, Dumas travaille encore, en homme à qui les idées ne manquent jamais. Voilà beau temps que la route de Thèbes a été jouée, et ce fut un triomphe. D'autres pièces lui ont succédé, et aussi un roman autobiographique, espèce de confession générale intitulée « Ce que j'ai dit et ce que j'ai fait ». En ce moment, Dumas habite, comme chaque été, sa jolie maison de Marly. Le matin même, fidèle à ses habitudes de lève-tôt, il était, dès 5 heures, dans son cabinet de travail. De frais parfums de roses et des gazouillis d'oiseaux entraient par la fenêtre ouverte. Et sur le coup de 8 heures, le maître écrivait le mot « fin » au bas du manuscrit d'une pièce sur le féminisme, intitulée « La petite fille de Claude », qu'il doit porter prochainement à M. Jules Clarotti, administrateur général de la Comédie-Française.